berceau où j'ai dormi. Tu m'as regardé depuis longtemps, grandir à chaque instant. Tu m'as fait goûter la vie avec le goût et le merci. Et même si tu t'en veux, c'est mon histoire qui s'efface en moi. Je te promets, je te protégerai. Je t'aimerai comme j'ai toujours fait. Je te le jure, tu seras dans mon futur. Tu me manqueras, ça fait mal, c'est pour ça. J'ai du mal à me faire l'idée que tout s'accélère. J'ai l'impression de savoir tout sur tout comme un miroir. Je sais que tu as mal, mais pourquoi cette fin banale? Et même si tu ne m'aimes plus, c'est toi que garderai dans ma vie. Je te promets, je te protégerai. Je t'aimerai comme j'ai toujours fait. Je te le jure, tu seras dans mon futur. Tu m'en moqueras, ça fait mal, c'est pour ça. C'est pour ça. Et même si tu t'en vas, c'est mon histoire qui s'efface.